À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée, les 8 et 9 corons, la séance de lecture a eu lieu à l'école Progrès du Mali et la séance de film a eu lieu au centre du Koryo à Kitrungna du Nigeria. Les orateurs y ont exalté les exploits du président Kim Il-sung qui a créé une nouvelle époque dans la lutte de libération nationale dans les pays coloniaux en conduisant la guerre sanglante anti-japonaise pour la libération de la patrie et les exploits immortels du général Kim Jong-il qui a conduit à la victoire, la lutte anti-impérialiste et anti-américaine et la défense du socialisme en portant haut le drapeau du Sungun.